pas. Un bourrégène, c'est vous qu'on est là. Vous êtes qui, vous, monsieur? 4 000 euros, ça fait 8 mois qu'on vient. Mais ça va pas, non? Aujourd'hui, je les veux. Je ne repartirai pas sans argent. J'ai pas à vous rendre quoi que ce soit. Vous me rendez mes 4 000 euros, sinon on prend tout ici. Je n'ai pas. Et ça, c'est clair. Cet argent. Vous me rendez mon argent maintenant. Vous me foutez de camp. Oh, tu ne touches pas. Vous me foutez de camp. Je suis prêt là. Viens, viens, pour finir. 4 000 euros de quoi? 4 000 euros, c'est nique. Ta mère a besoin de quoi? Vous touchez pas. Paye tes dettes. Paye tes dettes. Vous me foutez de camp. Sortez-moi. Payez vos dettes. Attention, 4 000 euros. Vas-y, avec ta grosse. Paye tes dettes. Ça va? Ça va, ça va, t'inquiète pas. C'est qui, ce mec? Je ne sais pas. Hey go, j'ai pas de grand, elle a fait ses blessants. Tu béton, si tu sers pas tes lacets. J'ai pédalé sans le frein, moi je voulais faire comme toi. Je voulais mettre les gants et aller crosser ceux qui parlaient. Tu sauvais mes arrières, je marche sur les pas de mon frère. Si tu pars à ma arrivée, maman n'est pas fière. Je peux rien y faire, attention, je me balade seul dans la cité. Mon ennemi, c'est mon ennemi, je veux la belle vie. Me dis pas d'arrêter quand tu l'as fait aussi. Ben c'est pas la vie, ça fait un bail que je t'ai pas revu. Pas d'ennui, pas d'amis, les seuls que j'avais, je les vois plus. Et s'il peut des balles, j'ai mon parapluie. J'ai touché maman, mais il n'y aura pas au paradis. À ce moment, les temps sont durs, je suis pas ravi. T'inquiète pas, je saurai bien le territoire que t'as ici. Quand je te parle, écoute-moi. J'ai passé ce que t'as passé. Je te le répète encore une fois. Des drames, du sang, qu'est-ce t'as fait? Je prends exemple sur toi. Et je suis tout sauf un exemple. Perdu de voir une dernière fois. Ah, c'est trop, comment tu me ressens? T'en as pas marre? Tu vois pas que maman, elle est en train de faire quoi? Tu fais des gestes, je suis méchu, tu fais des boucles. Tu fais des fils de pute de pas. Tu viens faire ton bruit, j'ai demandé des lois. Au travail, tu viens faire du bruit. Je sais, écoute-moi, arrête. Lâche-moi, c'est pas à demander, maman. T'es là, t'es normal. Clope, pépère. Eh ben, tu vas voir ce que je vais lui faire, moi, Patrick. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Merder, toi. T'es en train de merder, toi. Toi, t'es en train de merder. Ria, je te préviens. T'es en train de merder, gros. Tu te préviens de quoi? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'es là, tu vas voir. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps c'est la merde, c'est mon reflet, c'est mon sang. Sa mère c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps c'est la merde. Le temps est passé, la marche arrière est cassée. C'est lui qui tient le pavé, je me sens un peu dépassé. Je m'inquiète pour sa tête, c'est mon petit loup-garou. Mais faudra remettre les gants si demain il se fait masser. On se retrouve sur la dose, c'est ennemi, une maladie. Une lame dans les abdos, la tête dans les salades. La violence escalade, dès qu'on détruit la tombe. C'est toute une marmelade, la daronne me l'a dit. Va voler ce que j'ai volé, frôler ce que j'ai frôlé. Chercher le bonheur dans la tête, ce que j'ai pas vu dans. Mais bref, avion est collé, bras sur son épaulé. J'avais rêvé mieux pour lui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai rien de plus à t'offrir, sauf si tu m'écoutes pas. T'as des douilles, t'as des couilles, je serai derrière ton doute. C'est notre piège, j'en prends soin, j'écris l'histoire sans point. Et toi n'oublie jamais qu'il y a ton grand frère dans le coin. Et quand je te parle, écoute-moi. J'ai passé ce que t'as passé. Je te le répète encore une fois. Des drames, du sang, qu'est-ce t'as fait? Je prends exemple sur toi. Et je suis tout sauf un exemple. Perdu de voir une dernière fois. Ah, c'est trop, comment tu me ressens? C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère, c'est ma mère. C'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps, c'est la merde. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère, c'est ma mère. C'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps, c'est la merde. Et quand je te parle, écoute-moi. Je te répète encore une fois. Et quand je prends exemple sur toi. Peur de te voir une dernière fois. C'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps c'est la merde, c'est mon refrain, c'est mon sang. Sa mère c'est ma mère, c'est mon petit frère, c'est mon grand. À deux camps c'est la merde. Thank you. C'est la 75 de Bravo 1. Oui, Bravo 1. On a arrêté l'hôtel Victor de la rue de Paris. On va faire retour à la base. C'est reçu ? Allez, gars. Allez, go, mets-lui la ceinture. Hein.